refroidir les motos. Les motos elles sont super chaudes dans les laisses refroidir. Juste avant averti, il y a les filles comme ça. Les motos dans 5 minutes. Ouais, mais sur la balle, les mecs de là-bas, ils sont 5 ou 6 en 6 ans. Ils sont pas venus pour le match. Ils sont dans la masse. En fait, je suis avec le problème. Allez, on y va. Nous qu'on n'a pas de moteur, on marche, qu'on n'est pas fatigué. Allez les gars, allez.